de l'association de soccer de Dolbeau Mississinier avec notre ami Dominique Fortin Dufour. Salut Dominique! Dominique, ceux et celles qui, on l'a vu sur les médias sociaux, mais ça a été une belle récolte pour les équipes de Dolbeau Mississinier en fin de semaine au tournoi de Ville-Saguenay. Oui, exactement. C'est sur 5 équipes qui nous représentons au tournoi. On en a 3 qui ont remporté des médailles ou qui ont fini en bonne position. Premièrement, on a le senior masculin qui ont fini deuxième de leur catégorie. Ils avaient tout gagné. Le senior avait tout gagné leur match. Ils sont arrivés en finale confiants, tout ça. Par contre, ça a pris, tu sais, ça a seulement fini 1-0. Là, c'était comme un peu une défaite crève-cœur. Là, ça a été. Par contre, les gars, c'était le fun parce qu'ils jouaient avec des joueurs qui jouent dans une catégorie au-dessus de eux. Normalement, ils sont des 3, ils ont joué contre du D2. Fait que ça a été bon pour eux parce qu'ils ont pu voir quel calibre qu'ils pouvaient jouer et tout ça. Là. Donc, ensuite. Oui. On a le U14 masculin qui ont fini premier. OK. Ils n'ont perdu aucun match. Ils ont gagné 2-0 en finale contre Saint-Bruno. OK. Donc c'est... Puis on a le U14 féminin qui a terminé 3e. Donc, c'est quand même... Et les deux autres, comment ça a été? Les deux autres, ça a quand même bien été. Senior féminin, ça a été un peu plus difficile. Ben, les deux autres équipes, ça a été un peu plus dur parce que... Il n'y avait pas toutes les joueuses et ils jouaient souvent là en infériorité numérique. Ouais. Tu sais, le senior féminin, ils ont joué à 7-8 tout le long du tournoi. Là. Oui, monsieur, OK. Fait que, donc 7-8, c'est sûr. Puis si un tournoi, c'est serré, là, ça veut dire c'est très taxant. Donc, ça aurait pu aller mieux là, s'il y aurait eu une meilleure école, j'imagine. S'il y avait eu toutes les joueuses, là, normalement, il aurait quand même été... capable de faire une bonne performance. Par contre, on joue beaucoup de matchs dans la même journée, on joue beaucoup de matchs en peu de temps, fait que quand on est 7-8, ouais. C'est plus dur de récupérer. OK. Fait que sur la fin de la journée, c'est plus difficile. Donc, c'est certainement une belle récolte pour les... Ça veut dire que le soccer à Dolbeau-Mississinier est quand même en bonne santé. Puis quand on regarde tout ça... Oui, quand on regarde ça, là, on est en bonne voie, là, comparativité... On voit qu'on est capable de rivaliser contre les gros clubs, là, même si on est une petite ville au nord du lac Saint-Jean, là. On voit qu'on est capable de rivaliser pareil, là, contre les gros clubs du Saguenay. Maintenant, dans les différentes ligues régulières, maintenant. On a le U14, le U12 masculin, le U12 mixte, ouais. En fait, parce qu'ils sont pas juste des gars. Ont gagné leur premier match 5-1 à Chambord lundi. OK. Ensuite, on a le U14 masculin qui ont gagné mardi, 3-0 contre Saint-Bruno, la même équipe qu'ils avaient rencontré en finale à Chicoutimi. OK. Puis on a le senior féminin qui ont joué hier à Chicoutimi. Ils ont perdu malheureusement 4-1, mais encore là, il y avait 7 joueurs contre 11. 7 joueurs contre 11. Puis dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas faire venir des équipes, des joueurs, des autres... Non, parce que c'était un match de senior division 3 hier, c'est vrai. C'est ça, au niveau de la saison régulière, c'est ça qui est difficile. Ça, on peut pas le faire. Par contre, au tournoi, les seniors féminins étaient allés chercher 3 joueuses d'une autre équipe. Là. Okay. Fait que c'était déjà s'il n'y avait pas eu les 3 joueuses, j'aurais pas pu jouer. OK. Ça fait la prochaine semaine, est-ce que ça va être occupé? C'est un petit peu plus occupé vu qu'on sort d'un gros tournoi. Un gros tournoi, tout ça. La semaine prochaine, ça va être plus occupé que cette semaine. Il y a des matchs importants qui s'en viennent là, au niveau de toutes les catégories, tout ça. Souvent, c'est serré au classement là, à la fin de saison. Là. OK. Le gala de fin de saison, c'est quand? Hein? Le gala de fin de saison, c'est quand? Hein? Si je me trompe pas, c'est le vendredi 14. 14 août, OK. Ben, ça fait le tour pas mal pour cette semaine, Dominique. On se reparle quoi? On se reparle mercredi ou jeudi prochain. Parfait. Voilà, c'était la chronique du club de golf de Dolbeau-Mississinier, Dominique Fortin-Dufour.